Les conditions posées pour leur réouverture ne sont hélas pas réunies. Il s'agit principalement des cinémas, des théâtres, des salles de spectacle. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans Daily Movies, le podcast qui vous parle d'un film par jour. Et aujourd'hui, je vais vous parler non pas d'un film, mais de deux, puisque je vous présente OSS 117 de Michel Hazanavicius. Bienvenue au Caire, OSS 117, royaume des pharaons ou des tombeaux mystérieux, mais aussi véritable nid d'espions. La situation en Égypte inquiète en plus haut lieu. Nous avons besoin de vous sur place, d'un expert, un spécialiste du monde arabo-musulman. Arabo-musulman. Profitez-en pour conforter les positions de la France, instaurer la paix en Égypte, enfin sécuriser le Proche-Orient. Pas de problème. Votre contact vous attendra à l'aéroport du Caire. Je suis Larmina à la caméra de touche. Quel nom compliqué ? Hubert Bonisseur de la Batte. Donc OSS 117, deux films tout simplement. Le premier sorti en 2006, Le Caire, nid d'espions. Et le deuxième sorti en 2009, Rio ne répond plus. Tous deux réalisés par Michel Hazanavicius. Il y a une suite qui est prévue pour avril au cinéma, si le Covid n'en décide pas autrement. Qui est non pas réalisée par Michel Hazanavicius, mais par Nicolas Bedos. Donc autant dire que j'adore OSS 117. Je suis un grand fan du cinéma de Nicolas Bedos. Donc j'ai une vraie hype, voilà, j'espère qu'on va pouvoir voir vite ce film, parce que ce serait vraiment un vrai coup dur de le voir encore repousser, tout simplement. Donc dans le premier film, OSS 117, Hubert Bonisseur de la Batte, joué par Jean Dujardin, se rend au Caire pour remplacer OSS 283, Jack Jefferson, qui est mort, voilà. Donc il est envoyé là-bas pour sécuriser le Proche-Orient et renforcer l'influence de la France en Égypte. Et donc il a comme couverture là la CEP, donc la société Kerod d'élevage de poulets. Donc voilà, il y prend un nouveau nom, Lucien Bramard, et avec l'aide de son associé, qui est censé être la secrétaire de la CEP, Larmina, ils vont essayer de stopper un groupe de religieux qui s'appelle les Aigles de Khéops, qui veulent remettre sur le trône le roi déchu, et veulent se procurer des armes. Dans le deuxième film, OSS 117 Rio ne répond plus, qui se passe 12 ans après le premier, Hubert Bonisseur de la Batte est envoyé à Rio de Janeiro, où il doit récupérer une liste de collaborateurs, de gens qui ont collaboré avec les nazis durant la Première Guerre mondiale, et il va attirer l'attention du Mossad, donc les services secrets israéliens. Et il va se passer des événements avec eux et avec les nazis. Oui, parce que OSS 117, oui, ça parle de nazis. Dans les deux films, ça parle de nazis, voilà. J'ai quelque chose contre les comédies françaises qui sont juste là pour être racistes, voilà. C'est-à-dire que les Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, à bras ouverts, tout ça. Moi, ça me répugne, je n'aime pas du tout ça. OSS 117, là où c'est fort, c'est que ça joue avec les préjugés. C'est-à-dire que le personnage est orgueilleux, il est tout ce que vous voulez, il est plein de préjugés, il est misogyne, il dit des choses hyper limites, genre vraiment racistes. Par exemple, dans le 2, quand on lui dit... est-ce que vous voulez notre aide, quand le Mossad lui dit est-ce que vous voulez notre aide pour chasser les nazis, et il fait mais pour chasser les nazis avec un juif, mais quelle drôle d'idée, mais il va le reconnaître, et il fait mais comment ça, bah je sais pas, par exemple le nez, enfin genre des trucs comme ça, on se dit ok d'accord, voilà. Mais le personnage en fait est énormément tourné en dérision, et c'est là la principale différence avec les autres comédies françaises, c'est que tout le film, le personnage est tourné en dérision de par ce qui va arriver, de par son ridicule, et de par les réactions des autres personnages. C'est essentiellement parodique, voilà. D'ailleurs le film se place, enfin les films se placent comme des parodies de films d'espions, du genre James Bond ou je sais pas. D'ailleurs, les principales sources d'inspiration, notamment, il y a James Bond et contre le Dr No. C'est censé être une adaptation de roman, voilà, tout simplement. J'ai pas lu les livres, du coup je peux pas vous dire ce qui change, mais apparemment il a pris beaucoup de liberté au moment de l'adaptation, et franchement c'est pas si mal parce que ça a donné les films qu'on a, et j'adore ces films tout simplement. On a à chaque fois Jean Dujardin dans le premier rôle, j'adore cet acteur, je crois que en France il n'y a pas un acteur que j'aime plus que Jean Dujardin, vraiment, je ne comprends pas Pourquoi on ne... Enfin, c'est vraiment un truc de malade, cet acteur. C'est-à-dire que je ne comprends pas. D'accord, il est hyper célèbre. Ça a été le premier... Justement, ça a été le premier acteur français à gagner l'Oscar du meilleur acteur. Mais je pense qu'on devrait en faire plus avec Jean Dujardin, parce que vraiment, c'est un acteur exceptionnel. Et le nombre de fois où j'ai pété de rire, mais juste... parce qu'il fait une vanne à la con dans le film. Genre, il y a un moment où juste c'est tout con, mais en plein combat, il fait... J'aime me battre. Et j'ai pété de rire, mais vraiment, cet acteur est incroyable. Et les dialogues sont super bien gérés. Là, pour le coup, Michel Zanavicius et Jean-François Alain, qui ont fait le scénario, ont extrêmement bien géré. Je sais pas si comment c'était dans le livre, je sais pas ce qui a changé au moment de l'adaptation, mais là, pour le coup, les dialogues sont absolument géniaux. Et ce qui me rassure, entre guillemets, c'est que pour OSS 117, Alerte Rouge en Afrique Noire, donc de Nicolas Bedos, il a repris Jean-François Alain pour le scénario. Donc ce sera la même personne qui écrit les dialogues, donc ça promet, voilà, ça promet. J'adore le style de réalisation de Michel Zanavicius dans OSS 117, c'est pas le souci. Il y a vraiment des effets que je trouve hyper intéressants, il y a une bonne gestion du zoom notamment, je trouve qu'il y a beaucoup de zoom qui sont super bien gérés. Le cadre est très propre, il n'y a rien à dire dessus. C'est très bien monté aussi, franchement voilà, tout ça j'ai rien à dire, j'ai rien à dire sur ça. Par contre... vraiment, j'ai hâte de voir ce que ça va donner avec Nicolas Bedos, parce que je pense que son style de film, son style de réalisation peut tout à fait s'accorder avec OSS 117. Et le fait qu'il ait dépensé une grosse partie du budget du film dans du matériel de l'époque, qui reprenne la personne qui a fait les scénarios, qui reprenne Jean Dujardin dans le premier rôle, ça prouve que c'est pas un truc qui où il en a rien à foutre, ça prouve que c'est quand même un projet qui lui tient à cœur. Et donc c'est vraiment pour ça que j'ai hâte de voir le OSS 117 de Bedos. Pourquoi vous devez voir les deux OSS 117 et le troisième, je ne sais pas, je l'ai pas encore vu. Mais pourquoi vous devez voir, parce que c'est absolument hilarant. C'est un bon moyen, hein, voilà, de montrer qu'en France, on peut jouer avec les clichés sans tomber dans le racisme. Parce que bon, le personnage est raciste, le film ne l'est pas, il y a une nuance. Et puis surtout, ça peut vous permettre de comprendre un nombre de références incalculables qui sont faites chaque jour, parce qu'il y a 14 000 répliques cultes qui sont ressorties de ces deux OSS, et c'est absolument fabuleux. Voilà, la BO est aussi génial, composé par Ludovic Bourse et une autre personne dont je ne vais pas prononcer le nom sous peine d'écorcher son nom de famille, mais comme son prénom c'est Kamel, on va l'appeler Kamel. Quand on parle de musique OSS, il y a la scène qu'on est obligé d'associer, que je vous mettrai en fin de podcast, où Jean Dujardin chante Bambino. C'est... Voilà, encore une fois, hein, le personnage rempli de clichés, rempli de préjugés, mais des préjugés qui sont tournés en dérision, et... Ça fait du bien, ce film fait vraiment du bien, parce qu'il y a un côté vraiment con, il y a un côté très con dans les vannes et dans ce qu'on va voir, etc. Mais il y a aussi une maîtrise technique à la réalisation qui est géniale et qui rend le film fou. En fait, c'est un peu à l'image de Shaun of the Dead. En termes de technique, c'est moins poussé que Shaun of the Dead, mais c'est à peu près le même principe, c'est-à-dire que c'est une parodie, il y a des moments où c'est vraiment con, mais c'est génial, voilà, c'est génial. Jetez-vous sur ce film. Pour revenir sur le moment où Jean Dujardin chante Bambino, il y a des gens qui le mettent au même niveau que Louis de Funès dans Rabbi Jacob, voilà. Donc pour vous dire à quel point cette scène est appréciée et incroyable, c'est comparé à Louis de Funès. Donc quand même, ce n'est pas rien. J'ai pas tellement parlé des décors qui, je trouve, sont pas mal bien réussis, franchement. C'est même un des points forts, puisque que ce soit en Égypte ou au Brésil, je trouve qu'il y a une vraie réussite et une vraie cohérence dans les décors. Enfin, je sais pas s'ils ont tourné sur place, mais dans tous les cas, c'est absolument convaincant comme décor, c'est cohérent, on y croit. Brésil, pareil, il y a même un moment dans la forêt, enfin bref, on croit à tout, vraiment, on croit à tout, c'est hyper bien fait. À niveau décor, il y a des gros budgets quand même sur les deux films. Le premier, on est sur du 14 millions d'euros. Le deuxième, on est sur du 22 millions d'euros. Donc oui, forcément, c'est du gros budget. C'est du budget qu'on ne débloquerait pas pour n'importe quel film en France, parce que ce n'est pas n'importe quel film OSS, c'est exceptionnel. J'ai pas parlé des seconds rôles également. Franchement, c'est tout est, j'ai envie de dire, tout est... convaincant, voilà, c'est de très bons acteurs. On retrouve notamment Bérénice Bejo, qui est la compagne de Michel Hazanavicius dans le premier. On retrouve Louise Monod, Alex Lutz aussi dans le deuxième. Tous jouent bien, tous sont dans leur rôle. Tout simplement, il y en a qui participent à cette satire des clichés, à cette caricature des clichés. Il y en a qui sont là pour remettre en place les personnages qui sont des clichés humains. Et tous sont dans leur rôle et tous ont compris. Et voilà, c'est franchement cool. Les scènes de combat également sont très bien chorégraphiées, très bien réussies. Et j'ai pas spécialement d'autre chose à dire, voilà, à part regarder OSS 117. Je sais que beaucoup de gens l'ont vu, mais en discutant avec des gens, je me suis rendu compte que il y avait quand même beaucoup de gens qui ne l'avaient pas vu. Donc, n'hésitez pas vraiment, si vous en avez entendu parler, mais que vous n'avez jamais franchi le pas, pardon, n'hésitez pas à regarder les deux OSS 117, et si vous avez aimé, aller voir le 3 au cinéma. Surtout que bon, il va sortir, je pense que le Covid sera encore là, donc voilà, ce sera toujours important de soutenir les salles de cinéma, donc n'hésitez pas à regarder les OSS 117. Si vous voulez regarder ces films, vous pouvez les retrouver à la location sur Apple TV, Google Play, Orange VOD, YouTube, Filmo TV, Canal VOD, Bbox VOD, Rakuten TV et La Toile. Et sinon, vous pouvez les retrouver à l'achat sur Apple TV, Google Play, YouTube, Canal VOD, Rakuten TV, Filmo TV et Orange VOD. Voilà, à mon avis, si vous voulez les prendre en DVD, je pense que... il se doit pas être compliqué à trouver. Je pense que il doit même y avoir des coffrets avec les deux. Donc, n'hésitez pas vraiment. C'est un achat de qualité. C'est un achat qui sera forcément rentable. Et vous serez satisfait. Je vous en donne ma parole d'honneur. Voilà. C'était tout pour moi. J'espère que cet épisode vous aura plu. Et pour ma part, je vous dis à demain pour une nouvelle présentation de films.